Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, le comité de lutte contre le SAD de Kim Jong a organisé un meeting de résolution contre la disposition du système antimissile américain en présence de plus de 10 000 citadins de Kim Jong, province de Gyeongsang du Nord. Au terme du rassemblement, le maire de la ville et les coprésidents du comité de lutte contre SAD de Kim Jong ont coupé les cheveux en signe de protestation.